Allez, venez, je vais dégainer, profitez, c'est le moment, on essaye. Allez, cadeau, cadeau, profitez, c'est le moment. Tout se gagne, profitez, messieurs, dames, faites-nous servir, profitez. Allez, des champions, voilà, c'est bien. Ah, il faut bien se mettre. Ouais, ouais, l'épaule. Ouais. Allez, tout se gagne, profitez, messieurs, dames, allez, cadeau, cadeau, on essaye, voilà, c'est bien. Allez, les champions. Allez, je dis, c'est la bonne probité, c'est le moment, on essaye. Allez, c'est bien, c'est une vraie championne. Ouais. Allez, cadeau, cadeau, on essaye. Allez, c'est la couture, les derniers cadeaux, on s'adresse. Voilà, c'est bien. Allez, champion, profitez, c'est le moment. Allez, je dis, c'est le bon, profitez, c'est le moment, faites vos journées, ça y est.